Comme on va peut-être revenir à la bonne franquette, c'est-à-dire Bible dans vos mains, sans verset affiché, vous allez devoir user de vos doigts et de tourner les pages. S'il y en a qui n'ont pas de Bible, on peut peut-être en trouver quelques-unes, là. On ne pourra pas regarder l'ensemble des versets que j'ai, mais ce n'est pas grave. On va commencer avec un mot de prière. Le sujet qu'on regarde ce matin, il est vraiment quelque chose. Je vais vous partager un petit peu ce que Dieu m'a fait dans mon cœur cette semaine à travers la préparation d'Exode 35. Seigneur, on veut t'amener ce temps qu'on va mettre pour regarder ta parole, pour être émerveillé, Seigneur, de la profondeur et la sagesse qu'il y a dans ta parole. Des passages qu'on lit, qu'on relit, des fois, on est des années sans vraiment voir passer à côté de ces merveilles-là. J'espère ce matin, Seigneur, que tu vas vraiment réveiller chacun de nos cœurs pour qu'on puisse être émerveillé encore une fois de la grandeur de ton nom, de ta parole, de Jésus-Christ, de tout ce que tu fais pour ton peuple. Comme tu l'as fait pour Israël à l'époque, tu peux le faire encore ici dans l'Église ce matin. Bénis-nous, Seigneur, on compte sur tes bénédictions. Dans tout ce qu'on va faire ce matin. Amen. Tout le monde est à peu près équipé avec une Bible? Oui. Le titre que j'ai donné à cet enseignement-là, c'est « Les choses essentielles à notre instruction ». Ça vient du passage dans Corinthiens, on va en parler tout à l'heure. Corinthiens, où les choses qui sont arrivées dans l'Ancien avec Israël, sont là pour nous servir à notre instruction aujourd'hui. Le passage qu'on lit aujourd'hui, c'est Exode 35. Avant d'y arriver, je vais faire un bref rappel du contexte d'Exode. Vous savez, au troisième mois, après la sortie d'Égypte, après avoir traversé la mer Rouge, ils sont arrivés au Sinaï. Et là, Moïse et le peuple ont reçu les 10 commandements. Les commandements que vous avez appris quand vous étiez catholique dans le petit catéchisme, mais en fait, c'est dans les Écritures qui sont les mieux décrits. Vers le troisième mois, il y a eu un premier séjour de Moïse sur la montagne, où il va recevoir plein d'instructions pour la construction du tabernacle et l'établissement du sacerdoce. Le sacerdoce, vous savez ce que c'est? La prêtrise avec Aaron. Vers le quatrième mois, les dates ne sont pas précises. Les dates ne sont pas nécessairement exactes, mais c'est pour ça qu'on dit vers le quatrième mois. Moïse descend, quatrième mois après la sortie d'Égypte, descend et corrige le désordre qui a été creusé par le veau d'or. C'est probablement arrivé au milieu du quatrième mois. Et là, bien évidemment, il y a un bouleversement, il y a toutes sortes de choses. Et là, Moïse va détruire, va casser les tables de la loi, vous en rappelez? Les tables que Dieu avait écrites de sa main en haut. Et, vers le cinquième mois, Moïse va remonter encore sur le Sinaï, passer 40 jours avec Dieu, où il va vivre une intense communion avec l'Éternel, sans manger ni boire. Et ça, vous avez vu ça particulièrement avec Jean-Claude la semaine passée. Dieu va répéter les instructions de l'Alliance qui devront être suivies par Israël. Interdiction d'alliance avec les habitants du pays de la promesse, interdiction de faire les dieux en fonte, etc. Observation de la fête des pains sans levain, des instructions qu'il a reçues lors de ce séjour-là, des instructions sur le rachat des premiers-nés, puis sur l'observation du sabbat, l'observation des trois fêtes annuelles, Pâques, la fête des semaines, la Pentecôte, et la récolte des tabernacles. Et de la convocation de tous les mâles trois fois par année dans le lieu que Dieu l'Éternel va choisir. Fait que vers le sixième mois, Jean-Claude a particulièrement insisté sur le côté rayonnant de Moïse. C'était pas ça l'objectif du message, mais il a regardé sur l'aspect de la lumière. Moïse reflétait la lumière de l'Éternel sur son visage. Donc, vers le sixième mois, il y a le retour rayonnant de Moïse pour transmettre les instructions à Israël. Ça, c'est le prélude à notre chapitre 35 qu'on va étudier aujourd'hui. Ça va? C'est un retour rapide sur Exode, là. Mais ça nous remet dans le bain.

tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était bien disposé à contribuer pour l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. Moïse dit aux enfants d'Israël, « Sachez que l'Éternel a choisi Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. » Vous vous rappelez, quand on a fait Exode 31, je l'ai dit, qu'en Exode 35, Dieu rappelle, précise, qui a choisi pour être, on va dire, les directeurs du projet. Il l'a rempli d'esprit de Dieu, verset 31, de sagesse et d'intelligence, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres enchâssées, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner. De même qu'à Oholiab, fils de Ahisamac, de la tribu de Dan. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser des étoffes, teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, et le fin lin pour faire toutes sortes d'espèces de travaux et d'inventions. Et je continue dans le chapitre 36, les trois premiers versets. Betsaléel, Oholiab et tous les hommes habiles, en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire, exécutèrent les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Tout selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Moïse appela Betsaléel, Oholiab et tous les hommes habiles, dans l'esprit duquel l'Éternel avait mis de l'intelligence. Tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Ils prirent devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse les offrandes volontaires. Pas des offrandes obligatoires, des offrandes volontaires. Vous avez remarqué à la lecture de ce chapitre-là que le cœur bien disposé ou de bonne volonté revient à comme martocher à 6 reprises. On va en parler plus tard. Quand on fait le plan de ce chapitre-là, si vous aviez mon PowerPoint, il y a 3 parties dans ce chapitre-là. Du verset 1 à 19, c'est les règles à suivre pour la construction du tabernacle, la fabrication des vêtements. Dans ces règles-là, la première partie est consacrée à l'observation du sabbat. Les versets 1 à 3, là, c'est rappel sur l'observation du sabbat. Ça va être une partie importante de l'enseignement aujourd'hui. Après ça, bien, versets 4 à 9, c'est les offrandes doivent provenir librement d'un cœur bien disposé. Dieu ne veut pas obliger quelqu'un qui ne veut rien savoir d'apporter quelque chose. Il va vivre avec ceux qui ont un cœur bien disposé. Et ce n'est pas tous les gens du peuple d'Israël qui ont contribué, selon ce que nous dit ici le chapitre ou le passage. Versets 10 à 19, toujours dans les règles à suivre la construction, les ouvriers et tous ceux qui ont de l'habileté sont appelés à mettre leurs dons, à participer. À part Oholiab et Betsaléel, qui sont mentionnés à la fin du chapitre, ils vont avoir besoin de mains, ils vont avoir besoin de femmes qui tissent, ils vont avoir besoin de toutes sortes de... Tous ceux qui ont de l'habileté et qui, évidemment, veulent le faire de bonne volonté, sont invités à participer. Ce n'est pas l'œuvre de Oholiab et de Betsaléel. Ça va? Après ça, la deuxième partie, c'est la collecte des offrandes, verset 20 à verset 29. C'est la deuxième partie de notre chapitre. Dès que Moïse a fini d'expliquer tout ce que ça prend, tout de suite, le peuple se met, ceux qui ont le cœur bien disposé, qui ont la bonne volonté, se mettent à apporter des offrandes, toutes sortes d'offrandes, qu'ils prennent dans leur richesse personnelle. Certains plus, certains moins. Il y en a qui sont plus riches et amènent des plus gros bijoux, on va dire, plus d'or. Il y en a d'autres qui amènent moins. Le point ici, ce n'est pas la quantité, c'est la bonne volonté. Dieu ne veut pas qu'un homme qui n'est pas intéressé participe à ça, que ça vienne de son... Ça va pour ça? Vous me suivez jusque-là, vous avez remarqué ça, la lecture, ça passe vite, une lecture de chapitre, là, mais... Après ça, bien, versets 35 à 30, c'est-à-dire du chapitre... Du verset 30 au chapitre 36, verset 3, Dieu indique ceux qui vont être les responsables de la fabrication. Hein, comme dans tout projet, s'il n'y a pas de directeur, ça ne s'en va pas toujours de bonne manière. Et Dieu a déjà, on l'avait vu quand on avait étudié le chapitre 31, que Dieu avait déjà appointé Betsaleel et Oholiab pour être les directeurs ou les managers, ou peu importe le titre, c'est des titres modernes qu'on donne à ces personnes-là, mais c'est des personnes qui ont été équipées pour être le responsable du projet et le mener à bon terme. Ça va? Et aussi, ils sont invités à le faire de bonne volonté. Mais il y a aussi des femmes qui sont prédisposées avec des dons, qui sont invitées aussi à mettre leurs dons, leur capacité de bon cœur pour participer à l'œuvre. Et des hommes aussi. Ça va? C'est pas juste on apporte des dons qu'on fait pour rien, c'est vrai. On apporte des offrandes qu'on fait plus rien avec. Ils sont invités à y participer, chacun avec les talents ou les dons, la capacité qu'il a. Mais, principe, toujours de la bonne volonté. Je vous avais dit, quand on a fait le chapitre 31, j'ai passé par-dessus le sabbat. J'ai dit, celui qui va faire le chapitre 35, il va s'en occuper du sabbat. J'avais oublié que c'était à moi le chapitre 35. Fait que Dieu n'a pas voulu se débarrasser de moi. Et il m'a donné du trouble cette semaine, vous ne savez pas à quel point. J'ai beaucoup, j'ai eu... Je ne savais pas trop où je m'en allais avec tout ça, parce que le sabbat, pour moi, c'est la manière que c'est pratiqué, puis avec les directives que Dieu donne. Qu'est-ce qu'on fait avec ça dans le Nouveau Testament? Parce que ça ne donne rien de lire une histoire qui n'a pas d'application pour nous, là, tu sais. Ça fait que je reviens avec 1 Corinthiens 10, 11, que je vous ai cité tout à l'heure. Ces choses, et c'est le titre du message, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction. L'édification vient après l'instruction, dans ce cas-ci, genre. À nous qui sommes parvenus au début des temps, à la fin des temps, des siècles. Ça va? Et c'est vraiment le principe qui va nous guider ce matin. À quoi servent les instructions sur le sabbat? Puis la bonne volonté là, qui est mentionnée, qui est martelée à plusieurs reprises dans le chapitre 35. Fait que dans ce chapitre, l'Éternel nous montre deux choses qui sont essentielles à notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Je dis ça pour ceux qui me critiquent après, là. Ils viennent me voir et ils me disent « Ah, as-tu suivi ton plan? » Oui. Ils vont pouvoir se référer à ça. Dans ce chapitre, Dieu nous montre deux choses qui sont essentielles à notre instruction. Et une de ces choses-là, la première, ça va être la signification du sabbat. Je suis rendu à page 5, j'en ai 11 ou 12 au total, ça fait que ça... J'étais à peu près dans le temps. Là, comme je n'ai pas l'affichage des versets, vous allez devoir peut-être le sabbat. On va faire un rappel sur le sabbat de tout ce qui est enseigné à date. Le Shabbat. Dieu mentionne le jour du repos, déjà dans la Genèse, le septième jour, il s'est reposé. OK? Après l'œuvre créatrice en 6 jours, Dieu mentionne que le septième jour, il s'est reposé. Je me suis toujours demandé, moi, Dieu qui ne dort jamais, qui ne veille jamais, pourquoi il avait besoin de repos? Qu'est-ce que voulait dire le repos? Hein, Jean-Claude? Hein? Toi aussi, t'es intéressé, hein, de savoir le reste? Je vous dis, cette semaine, ça m'a fait bûcher, ça, cette affaire-là. Ça veut dire être reposé. Ouais, mais de la part de Dieu. C'est ça le point. Moi, Roger vient de me voir et dit, il faut que je me repose aujourd'hui, je suis fatigué, je n'ai pas dormi de la nuit, je peux comprendre très bien. Mais Dieu... Tu t'en vas dans la bonne direction, Joachim. Dans le cas de Dieu, il savait d'avance ce qu'il allait faire. Mais tu t'en vas dans la bonne direction. Le repos aussi voulait dire que l'œuvre créatrice de Dieu est terminée. L'homme ne peut plus rajouter un poil à ce qui a été fait. L'homme ne peut qu'utiliser la création. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait depuis ce temps-là. Et vous pensez que les fusils n'étaient pas déjà planifiés dans le plan de Dieu? Bien, regarde, ils étaient planifiés. Puis les avions, puis tout ce qu'on peut inventer de bébelle moderne, c'est tout inscrit dans la création que Dieu a faite. Ils n'étaient pas développé par l'homme, à l'époque d'Adam peut-être, si on ne le sait pas. Mais les principes, l'avion a flotté dans les airs parce que, bon, l'air peut porter un avion. On ne savait pas à l'époque peut-être, mais c'était là. L'homme n'a pas inventé les principes de la fluidité qui tient l'avion à l'air. Hein, Jean-Claude? Oui, les oiseaux montraient l'indication, mais vous comprenez ce que je veux dire? La création était terminée. Et le repos ici est un symbole de l'homme ne peut plus ajouter quoi que ce soit. L'œuvre de création de Dieu était terminée. L'homme pouvait en jouir. Ça, c'est le privilège que Dieu a fait. Et, mais il n'y a aucune indication sur l'observation du sabbat avant le premier passage dans Genèse 16, 26, 29. Gardez votre doigt dans Genèse, là, dans Exode, parce qu'on va se promener. Moi, je l'ai devant moi, là, je ne le chercherai pas tout le temps. Fait que tournez à Genèse 16, 26, 29. C'est la première fois que Dieu va exiger quelque chose pour le jour du Shabbat. Je ne le lis pas au complet parce que moi, il est résumé ici. Là. Pendant 6 jours, vous ramasserez. Rappelez, 16, c'est quand il donne la manne. Vous ramasserez. Mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. Pas de manne, cette journée-là. La manne tombe pendant 6 jours, mais le 7e jour, il n'en tombe pas. Oui? Exode. J'ai dit Genèse, c'est Exode. On est dans Exode. Restez dans Exode. Vous avez bien suivi, c'est beau. Je vous félicite. C'est un test pour vous autres, là. Bon. Là, j'ai des 3 petits points, moi, dans mon texte. Considérez que l'Éternel vous a donné le Shabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Et là, la seule ordonnance que Dieu donne, que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. Première ordonnance concernant le Shabbat. Ce n'est pas encore la loi. La loi va aller plus loin. En vain, quand Dieu donne les 10 commandements du haut de la montagne en feu, là, puis que ça... Le peuple tremble devant la voix de Dieu. Dieu dit au verset 8, Exode 20, verset 8 à 11, « Souviens-toi du jour du repos. » Oh, là, ça devient spécifique. C'est toujours le Shabbat. « Pour le sanctifier, ça veut dire le mettre à part. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. » C'est juste la femme qui n'est pas mentionnée, elle peut travailler comme une folle. Vous ne répondez pas? Ah, non, je l'ai sorti de son foin. Ah, il y a du monde, hein? Théologiquement correct. Donc, la femme faisait ce que l'homme demandait de faire, s'il respectait le sabbat. Car en 6 jours, l'Éternel... Là, Dieu rappelle encore là la création. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui s'y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. On l'a cité tout à l'heure, c'est au début, là, dans Genèse. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Donc, il y a un principe ici de ne pas travailler, de ne pas faire d'œuvre le jour du Shabbat, en référence à ce que Dieu a fait dans Genèse après la création d'Adam, après l'avoir placé dans le jardin, où il sanctifie le jour du repos, encore là dans l'esprit de son œuvre est terminée. Ici, on est dans le contexte de la loi, il demande à Israël, vous allez voir, il y a d'autres indications qu'on va voir, là, concernant le Shabbat, mais ici, c'est le travail qui est visé. Ne pas rajouter quelque chose, ne pas faire quelque chose le jour du Shabbat. On continue. Au chapitre 31, qu'on a lu quand moi je m'en suis occupé, puis que j'ai répété en avant au chapitre 35, c'est aujourd'hui, versets 12 à 17, ça va aller encore plus loin. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, mes shabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez le Shabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là, et là ça va loin, sera retranché du milieu de son peuple. Là, Dieu met une menace très forte. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le Shabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du Shabbat sera puni de mort. Wow! Et d'ailleurs, ça va arriver, un des passages que je vais vous lire plus tard, ça va arriver dans Nombre. Les enfants d'Israël observeront le Shabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Il y a un côté perpétuel ici qu'on ne doit pas négliger. Et dans le Nouveau Testament, vous allez voir l'application qu'on va en faire. Et qui a un côté perpétuel. Inquiétez-vous pas, à partir d'ici, vous ne partirez pas d'ici en disant qu'il faut vous observer un Shabbat, OK? Dans la manière juive. Mais il y a des principes reliés au Shabbat qui s'appliquent au Nouveau Testament, et ça, j'ai l'intention de le passer à travers vous autres. Ben, pas à travers vous, mais avec vous. Je continue. « Comme une alliance perpétuelle, ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. » Ça, évidemment, avec Israël, on le sait, ils observent encore le Shabbat. « Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre. » Regardez ici, il a cessé son œuvre, il s'est reposé. Encore là, je reviens au fait que Dieu, qui veille 24 heures sur 24, 360 jours par année, éternellement, n'a aucun problème de repos. Mais son œuvre créatrice, lors de la création, était finie. Et dans le Nouveau Testament, il y a une œuvre que Dieu a faite, qui est complètement terminée, et qui implique un Shabbat de la part des croyants. Je vous fais remarquer ces choses-là, mais on va le voir plus tard. Bon, après 31, ben on arrive en 35. 2 et 3 qu'on a lu tout à l'heure au début. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour, 35, 2 et 3. Là. C'est intéressant que Dieu, avant la construction du tabernacle, dit au peuple l'instruction sur le Shabbat. Il ne commence pas par expliquer tout ce que ça va prendre, puis comme on voit dans le reste du chapitre. Le Shabbat doit être observé. Ça veut dire la construction du tabernacle, ça va durer 5-6 mois. Ce n'est pas une affaire qui va se faire instantanément. Et il va y avoir plusieurs Shabbats à observer. Et Dieu insiste sur la règle absolue du Shabbat, de l'observation du Shabbat, même pendant la construction de on va dire, du tabernacle. Mais le tabernacle, c'est la maison de Dieu parmi le peuple. C'est intéressant. Je reviens à 35, 2 et 3. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte. C'est le Shabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Ici, évidemment, Dieu dit, ce Shabbat-là, c'est pas n'importe quoi. Là. On ne fait pas n'importe quoi, c'est consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera puni de mort. Et là, Dieu va ajouter une autre instruction. Vous n'allumerez pas point de feu dans aucune de vos demeures, on pourrait dire dans aucune de vos chaumières, le jour du Shabbat. Il n'y avait pas besoin de faire de feu le temps qu'ils ont été dans le désert parce que la manne se mangeait comme ça, sans la cuire. On pouvait la cuire aussi, mais ce n'était pas nécessaire. Elle nourrissait. Mais Dieu, il spécifie ici, vous n'allumerez même pas de feu dans vos chaumières. C'est parce que le feu, des fois, ça prédispose à faire toutes sortes d'autres affaires. Dieu veut que ce jour-là soit consacré à se souvenir de ce qu'il a fait. OK, le prochain passage n'est pas dans notre Exode 35, mais on va aller les lire parce qu'ils sont importants. C'est Nombre 15, 32 à 36. Ça, c'est immédiatement après ce passage-là qu'Israël a refusé d'entrer dans la terre promise et que Dieu l'a condamné à 40 ans de... comment on dit ça dans le désert? De vagabondage dans le désert, dans lequel la majorité des individus de 20 ans au-dessus vont mourir. Et là, Dieu dit en Nombre 15, 32 à 36, je ne lis pas au complet, mais je lis juste les parties importantes. « Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat, du Shabbat. Toute l'assemblée le fit sortir du camp et le lapida. Il mourut comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. » Est-ce que c'était sérieux pour Dieu, le sabbat? Moïse, qui... vivant à ce moment-là, que c'est lui qui conduit le peuple. On lui présente, évidemment, je n'ai pas lu tout le passage, mais vous pouvez le lire. L'homme a été effectivement trouvé en train de ramasser du bois, ce que l'Éternel avait interdit de faire. Et ça l'a entraîné la mort de la personne par lapidation. Sorti du peuple. Hein, c'était quoi l'expression qu'il disait, là? Il sera éliminé du peuple. Parce qu'il n'a pas respecté le Shabbat. Est-ce que c'est sévère? C'est difficile à comprendre, hein? C'est difficile, hein? Perdu. Mais il y a une raison derrière tout ça qui est pour nous aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on va se mettre à se lapider, là. C'est pas ça que je suis en train de dire. Deutéronome 5, 12 à 15, c'est la répétition de la loi dans Deutéronome. Vous savez qu'on est à la fin de la vie de l'errance dans le désert. Ça fait 39 ou presque 40 ans. Puis Moïse écrit le Deutéronome dans lequel il y a un rappel de la loi, des 10 commandements. Et on trouve ça en Deutéronome 5, 12 à 15. Et c'est toujours sur le Shabbat. Observe le jour du repos pour le sanctifier comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras, ça c'est nouveau dans les directives du sabbat, tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte. Ce jour-là, particulièrement ce jour-là, de chaque Shabbat, souviens-toi que tu as été un esclave au pays d'Égypte. Ça fait 40 ans qu'ils sont dans le désert, là. La mémoire commence à s'estomper. Et Dieu dit, non, souviens-toi que tu es quoi? Tu étais esclave. C'est un moins que rien avant. Qui t'a délivré de ça? Qui a fait l'œuvre de délivrance? Dieu, il les a sortis d'Égypte à grand renfort de signes et de prodiges jusqu'à détruire l'armée égyptienne lors de la traversée de la mer Rouge, qui est déjà un exploit en soi, là. Un miracle extraordinaire. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du sabbat. Mettons ça pour nous. Est-ce que j'étais esclave avant? Puis, est-ce que Dieu a fait un miracle pour me sortir de l'esclavage? Est-ce que je suis tenu d'observer, pas un jour en particulier, mais d'observer le repos que ça me procure dans ma vie? D'être attaché à ce repos-là. Vous voyez venir l'application pour nous, là. On va avancer encore un peu. Ça va? La directive du sabbat avant la construction de la maison de Dieu, on va dire du tabernacle, est drôlement importante parce qu'elle est là pour rappeler à Israël que l'œuvre que Dieu a faite, que le fait qu'ils puissent faire des dons, ça vient de Dieu, que leurs dons, leurs talents, tout ça, ça vient de Dieu, et tout ce qu'ils ont à faire, c'est de le faire de bon cœur. Intéressant, hein? Conclusion, pour la partie sabbat, Shabbat. Comment les croyants de la Nouvelle Alliance observent-ils le Shabbat? Puis je vais vous poser une question. Est-ce que le dimanche est devenu le Shabbat chrétien à la place du Shabbat juif? Quand on était petit, toi, dans l'Église catholique, encore plus peut-être, le dimanche était quasiment sacré. Aucun ouvrage servile. J'ai un ami ingénieur qui était un athée, qui est mort aujourd'hui. Ben, un ami. C'était quelqu'un, une connaissance avec qui j'ai travaillé, qui me disait, quand il est arrivé au Québec, dans les années 50, il a osé laver son char à Laval, un dimanche, et les policiers sont venus l'arrêter. Bien, ils ne l'ont pas mis en prison, là, mais ils sont venus l'avertir, il n'a pas le droit de faire ça. C'était-tu un Shabbat chrétien, ça? Mais c'est pas ça que Dieu a en tête. Mais ça a été pratiqué comme ça, et dans notre mentalité, surtout les plus vieux, on a tendance à vouloir faire du dimanche un Shabbat chrétien, alors que le Shabbat dont Dieu parle a une application beaucoup plus grande pour nous. Hein? Oh oui, un paquet d'autres règles, là. Colossiens 2, 16 et 17. Que personne, juste pour qu'on clarifie que le dimanche n'est pas un Shabbat chrétien. C'est pas ça que Dieu veut, là. Que personne ne vous juge. Colossiens 2, 16, 17. Au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête ou d'une nouvelle lune, ou des Shabbats, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. C'est intéressant qu'on termine avec le corps est en Christ. Et en Christ, on a un plein repos. Ça commence par un repos. Hébreux 4, 8 et 11, qui parle de ce repos qui nous est promis en Jésus-Christ. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Ici, il fait référence à, après Josué, il y a eu David, et David a parlé dans un des psaumes, d'un autre jour, un repos de sabbat, de Shabbat, pour le peuple de Dieu. Il y a donc un repos de Shabbat réservé au peuple de Dieu. Ça, c'est nous, le peuple de Dieu aujourd'hui. Par Hébreux, c'est longtemps après tout ça, là. C'est dans le temps de après Jésus. Car celui qui entre dans le repos de Dieu, alors, regardez la signification du repos aussi, se repose de ses œuvres. Quelles œuvres? Hein? Non, ici, il parle des personnes qui rentrent dans le repos de Dieu. Ils se reposent de quelles œuvres? Avant d'être croyant, qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce que je faisais avant d'être croyant? J'essayais de gagner mon ciel. J'essayais d'observer la loi que je n'étais pas capable d'observer. Hein? Les œuvres de la loi. Personne ne va être justifié par les œuvres de la loi. Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Ça, c'est notre Shabbat à nous. Il dure du premier jour jusqu'à ce que Jésus vienne nous chercher. C'est la même chose. Comme Dieu s'est reposé des siennes, comme Dieu nous a donné un exemple que ma création est finie. Je n'ai plus besoin d'en ajouter. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. L'Épître aux Hébreux rappelle, c'est des croyants sincères qui sont bouleversés dans leur foi, qui ont tendance à revenir en arrière à la pratique des œuvres de la loi. Et l'Épître aux Hébreux est un réquisitoire contre ça. Et c'est pour ça qu'on trouve au chapitre 4 ce que je viens de vous lire. Et un passage que vous connaissez tous, qu'on cite souvent, mais qu'on ne réfléchit pas sur le sens que Jésus pouvait y donner. Matthieu 11, 28, 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et... » Ça, c'est des gens qui marchent par la loi, qui sont fatigués, chargés par la loi, qui sont pas capables de vivre, qui sont écrasés par la loi. « Je vous donnerai du travail. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du travail pour vos âmes. » Du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Comprenons que, ici, le Shabbat des croyants, dans le Nouveau Testament, c'est un Shabbat perpétuel. Tu entres dans un Shabbat qui n'aura de cesse que quand tu seras devant le Seigneur, pour l'éternité. Voyez-vous le sens du Shabbat? Le repos dans l'Ancien Testament, évidemment, très rigoureux, avec la loi qui interdit de travailler. Mais il y a une application pour nous, c'est qu'on prenne cette interdiction de travailler-là pour notre interdiction à nous de faire des œuvres pour se ajouter au travail que Dieu a déjà fait. Parce que l'œuvre de salut du Seigneur est déjà pleine et entière. On ne peut pas rajouter une ligne à l'œuvre du salut. Pour vous en convaincre, Galates 5, 16. Il faut que je lise mes notes des fois. Je n'ai pas tendance à le faire toujours. Je vais vous lire un texte que j'ai découvert en faisant des recherches. Sous la loi, l'homme devait fournir 6 jours de travail et d'efforts pour arriver au repos du 7e jour. Sous la grâce, le croyant part dès le premier jour du repos en Christ que donne l'œuvre de Christ parfaitement achevée. Oui, c'est un commentaire, ce n'est pas un verset. il galère de Julien, ce sera pas long. Ça fait. Et le croyant demeure dans ce repos tous les jours de sa vie. Donc, notre manière de vivre, c'est d'être dans le repos, pas d'essayer de réparer constamment nos bêtises et nos péchés. Je ne vais pas dire de commettre des péchés, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais de vivre sous un fardeau de culpabilité tout le temps, ça ne marche pas avec le Shabbat. Le principe du Shabbat, c'est que je me repose, je ne rajoute plus à l'œuvre que Dieu a faite. Et l'œuvre de Dieu, présentement, dans notre génération à nous, c'est le salut plein et entier. Plein et entier. Je m'excuse pour le français, Philippe. J'en échappe quelques-unes. Il me corrige beaucoup. Galate, l'idée d'observer le dimanche comme un Shabbat chrétien, là, c'est non biblique. C'est même, je dirais, blasphématoire pour Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu dans le Shabbat. Ah, on a un privilège énorme. Le dimanche a été consacré dès l'Église primitive comme jour où, dans lequel on se réunit. Mais on ne se réunit pas pour faire une œuvre. On se réunit parce qu'il y a une œuvre qui a été faite dans notre vie. Puis on a du plaisir à se le partager entre nous. D'accord? Si vous venez ici par obligation tout le temps, vous n'avez peut-être pas compris les choses au salut qui est essentiel. Galates 4, 9 et 11. « Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été reconnu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rédiments? » Aïe, je vais manquer de temps. Auquel, de nouveau, vous voulez vous asservir encore. Vous observez les jours, les mois, les temps, les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Galates, on le sait, ce sont des croyants qui ont été perturbés par des judaïsants qui sont venus les écœurer avec la loi qu'ils n'observaient pas, particulièrement celle de la circoncision. Et l'apôtre ici leur dit cette chose-là. Je crains d'avoir inutilement travaillé. Ça veut dire, je crains que l'œuvre du salut n'est pas complète. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de refaire des œuvres. Ils n'étaient pas en repos. Jean 3, 16, hein, 19. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Est-ce que c'est une œuvre complète, finale, comme la création? Peut-on ajouter quelque chose au sacrifice de Jésus pour plein salut? Hébreux 2 et 3, je l'ai mis ici, je ne me rappelle plus ce qu'il y a dedans. Ça, voilà. Bon, ça c'est toujours le contexte de l'Épître aux Hébreux. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut annoncé d'abord par le Seigneur qui nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Dieu appuyant leur témoignage par des signes, tralala. Donc, l'œuvre de Christ est parfaite, complète. Il n'y a rien à y ajouter, pas une œuvre humaine. On fait des œuvres comme croyants, mais ce n'est pas le but. Ce n'est pas qu'on ajoute quelque chose. On le fait par, on arrive dans la deuxième partie du chapitre 35, on le fait par reconnaissance, parce qu'on est heureux, parce que Dieu nous a donné, on est reconnaissant, on a un cœur de bonne volonté. Si ce n'est pas comme ça que vous agissez dans le corps de Christ, encore une fois, il faut revenir au fait que, regarde, je n'ai plus besoin de rien faire. Ça ne veut pas dire de ne pas travailler à l'amour. Et ça se fait dans un effort avec reconnaissance que ce que Dieu a fait pour vous. Je termine avec Éphésiens 2, 8, 2, 9, que tout le monde connaît, qu'on cite souvent par cœur, mais dans le cadre d'un enseignement sur le Shabbat. Car c'est par grâce que vous êtes sauvé par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, et c'est sous-entendu de la loi dans d'autres affaires, afin que personne ne se glorifie. Donc, interdit de faire une œuvre de plus à l'œuvre de la foi que Dieu nous a mis dans nos cœurs et qui est basée sur Jésus-Christ, ce que Christ a fait. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, là, l'aspect des œuvres, c'est le faire en reconnaissance de que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Encore là, même les œuvres qu'on peut pratiquer, comme la construction du tabernacle, c'est une œuvre. Dieu me fait grâce de pouvoir y participer. Mange, tu ne le sais pas, mais Dieu te fait la grâce de pouvoir participer à la construction de l'Église. Tu te dis comment? Je suis sûr qu'il va t'utiliser. Il t'utilise déjà. OK? Je ne dis pas ça pour te flatter. C'est vrai pour tous ceux qui sont croyants ici. Hein? Bien sûr. C'est ça le point. Le Shabbat, c'est qu'on est dans une situation de réjouissance perpétuelle. Bon, ça arrive des fois que Satan nous fait douter, là. C'est pas ça le point ici. C'est le point, c'est que ça ne change pas les principes du Shabbat en Christ. OK, la manière de servir Dieu. Je vais essayer d'aller assez rapidement, c'est moins long. Mon introduction est basée sur Actes 2, 41-47. « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, je vais prendre de l'eau parce que je commence à être sec. En ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » La crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Est-ce qu'ils faisaient parce qu'ils étaient obligés? Parce que Pierre a dit, « Hey les gars, là, vous êtes convertis, là! » Mettez votre fric, là! Sortez vos porte-monnaies, mettez votre fric! » Est-ce que vous voyez ça dans les Écritures? Landry, l'expert, est-ce que tu vois des genres d'exigences comme celle-là? Est-ce qu'ils faisaient de bon cœur? Ils étaient réjouis de l'œuvre qui venait de se passer dans leur vie, de recevoir le Saint-Esprit, eux autres aussi. Là. Le Saint-Esprit, on a l'impression qu'il n'existe pas, des fois, surtout dans le Nouveau Testament. On a l'impression qu'il agit dans nos vies. Mais c'est ça qui produit le Saint-Esprit. Il nous donne la joie de faire ça. Rappelez-vous dans Exode, là, le nombre de fois que Dieu dit, là, ceux qui ont un cœur bien disposé, ils vont participer à l'œuvre, ils vont donner pour l'œuvre. Les autres, vous êtes en dehors de ça. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Évidemment, c'était l'endroit de se rencontrer à l'époque. Ils rompaient le pain dans les maisons. Tiens, ils participaient dans l'église de quartier. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu. Donc, ils prenaient leur nourriture avec aigreur, compliqué, avec orgueil, pas capable de louer Dieu parce que... Et ils ne trouvaient pas grâce auprès du peuple. Non, j'ai lu de travers. Hein. La joie, la simplicité, le bonheur de pouvoir participer à l'édification du corps de Christ. Ici, c'est la première église. Et tous les croyants qui ont été enflammés par le Saint-Esprit ont participé avec joie, avec une bonté de cœur, avec un cœur bien disposé, une bonne volonté. Et c'est la seule offrande que Dieu a agréée. Ce sont des gens qui sont transformés par la puissance de Christ. J'achève. Je vais en dire à 10, puis 13 à 7 heures. Fait que je vais passer rapidement sur Exode 35 qu'on a lu. En fait, la mention dont le cœur est bien disposé a commencé en 25:2. Dieu a déjà donné dans le chapitre 25 qu'il m'apporte une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera d'un mauvais cœur, avec aigreur, non, d'un bon cœur. Puis dans 35, là, vous avez vu les références, on a passé rapidement tout à l'heure dessus, mais 35:5, dont le cœur est bien disposé, 35:21, animé de bonne volonté, 35:22, en parlant des hommes et des femmes, dont le cœur est bien disposé à porter. 35:24, tous ceux qui présentèrent par élévation une offrande. Présenter par élévation, c'est une offrande d'action de grâce, d'argent et d'airain. 35:26, toutes les femmes dont le cœur était bien disposé. Il y avait des femmes bien disposées à l'époque, hein? Ça existait. Est-ce que ça a cessé d'exister? Il y avait bien disposé. Il y avait des femmes bien disposées à l'époque. Je suis en train de faire une blague, là, comme s'il n'y en avait plus aujourd'hui. C'est pas vrai. Beaucoup d'entre vous êtes bien disposés. 35:29, dont le cœur était disposé à contribuer pour l'œuvre de l'Éternel. Et 36:2 qu'on a vu à la fin, tous ceux dont le cœur était disposé. Donc, la construction du tabernacle, c'est une œuvre à laquelle Dieu a exigé deux choses, le respect du Shabbat et le cœur bien disposé. Tu ne pouvais pas participer à la construction si tu n'avais pas ça. Dans l'Église, est-ce que c'est la même chose? Si vous venez ici par contrainte, peut-être que vous êtes aveuglé et vous n'avez pas saisi le Shabbat. Oui. Il n'est jamais trop tard pour changer notre manière de faire. Okay? Il ne faut pas s'auto-accuser. Le but, c'est de saisir qu'on est dans une œuvre de grâce et que Dieu veut nous utiliser avec un cœur bien disposé. Pour construire la maison, il faut un cœur bien disposé, je l'ai dit. 2 Corinthiens 8, 1 à 9, là, je ne peux pas tout lire ça, mais je vais lire les points importants. Nous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu. C'est en rapport avec la collecte pour les gens de la Palestine par les églises de Macédoine, okay? Qui s'est manifestée dans les églises de Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante, leur aigreur débordante, non, leur joie débordante, leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités. Pour Dieu, là, le cœur bien disposé, ça a plus de prix que tous les montants d'argent qu'on peut mettre. Il faut l'avoir, le cœur bien disposé. Il ne faut pas tout le temps en train d'insister pour ne pas le faire. De leur part, ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, nous attendant avec grande instance de participer, de la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué, comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Ce que Dieu demande en retour, ce que Jésus demande en retour à celui qui s'approche de lui, regarde, donne-toi à moi, fais-moi confiance. Ouais, mais moi, je ne suis pas riche comme Christian, ou je ne suis pas riche comme Jean-Claude, ou je ne suis pas riche comme Jocelyn. Dieu n'a qu'à faire de mes richesses, puis de celles de Jocelyn ou celles de Jean-Claude. Hein? Je m'excuse, Jean-Claude, de t'avoir mis sur le bout. Le point ici étant que ce n'est pas les richesses qui sont importantes, c'est le cœur bien disposé qui s'appuie sur Jésus-Christ. 2 Corinthiens 9, 7, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Hey, il me reste juste un verset, peut-être correct, deux versets. Donc, la manière de construire la maison de Dieu, là, Philippiens 2, 13, 14, car Dieu, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Est-ce que c'est Dieu qui produisait le vouloir et le faire des Israélites à construire le tabernacle? Bien sûr. Est-ce que Dieu produit le vouloir et le faire à construire l'Église de Christ aujourd'hui? Même chose. Faites toute chose avec murmure et plein d'hésitation, questionnant vos anciens, tous ceux qui vous demandent de faire quelque chose, bousculez-les parce qu'ils n'ont pas d'allure. C'est pas Dieu, hein? C'est pas autre qui leur donne. C'est pas Dieu qui nous demande quelque chose. C'est ça. Faites toute chose sans murmure ni hésitation. 1 Pierre 4, 8 à 10. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns vers les autres, sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Ololiab, les femmes habiles qu'on avait dans la construction du tabernacle, Betsaléel, ils ont été giftés par Dieu pour faire ça. Mettez-les au service. Reste pas assis sur ton don. Imaginez-vous Betsaléel, Moïse, on va voir quelqu'un d'autre. Là. Moi, je veux rien savoir de la construction du tabernacle. Ça n'aurait pas empêché Dieu de le construire, là, mais c'est juste pour vous dire que ce n'était pas ça que Dieu s'attendait de lui. La conclusion appelle, le Shabbat est important, avant de faire toute œuvre pour Christ, de s'arrêter et de réfléchir au fait que le Seigneur a fait une œuvre merveilleuse de salut et que cette œuvre merveilleuse de salut, là, elle est complète. J'ai rien à y rajouter. Si j'agis, c'est par en reconnaissance avec un esprit bien disposé. Ça va? Et si vous avez des difficultés à le faire, bien, fixez les yeux sur ceux qui le font déjà dans l'Église. Ils vont vous aider à le faire. Si vous regardez ceux qui ont tendance à aller en arrière, s'éloigner, ne jamais participer, bien, vous allez vous aussi vous éloigner puis le faire avec murmure. Ça, c'est la meilleure application qu'on peut avoir pour nous, pour chacun d'entre nous. Ça va? Jean-Claude, tu répares les vieux gars?